me a cigarette then. Give me a cigarette. Salut la compagnie et bienvenue sur cette nouvelle résonance, la 11,2. Aujourd'hui, c'est une résonance un peu spéciale parce que je voulais que ce soit un remerciement général auprès de toutes les personnes qui nous ont permis de pouvoir monter ma pièce qui s'appelle Le Clan. On vient de terminer une mini tournée de 4 dates qui sont les prémices de plein de choses à venir. Mais je voulais te parler, moi, simplement de toutes ces personnes qui m'ont permis, moi, de réaliser un vieux fantasme, quoi, parce que cette pièce est un sujet que j'avais en tête depuis très longtemps. Et grâce à Alex, médecin G, qui joue aussi donc dans la pièce, lui m'avait dit, voilà, t'as une écriture qui permettrait de faire du théâtre engagé, etc., etc. Alors, j'ai oublié de te situer, on est dimanche 27 mai, il est 18h53 au moment où j'enregistre cette résonance. Et bref, donc Alex me disait, vas-y, tu peux écrire quelque chose d'engagé, le sujet dont tu m'as parlé est vachement bien, et moi j'y croyais pas du tout, je me disais, non, c'est pour un film, et puis finalement, je m'y suis mis, j'ai écrit la pièce il y a 2 ans, en allant chez à La Roche, chez Emmerich, et c'était important parce que durant ces 4-5 jours où j'ai écrit la pièce, je parlais beaucoup avec Emmerich, de, bah voilà, à tel endroit, je galère, et puis là je suis content parce que je sais que je vais pouvoir écrire ça. Et même s'il ne me donnait pas de solution, parfois dans des moments d'écriture où j'étais un peu bloqué, en fait j'ai l'impression que lorsque tu écris, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi je sais que lorsque je parle à quelqu'un, je me dis « Waouh, il faut que je maintienne son attention ». Donc quelque part, j'improvise un peu mon histoire au fur et à mesure que je lui parle. Et je tiens à remercier Emmerich parce qu'il a toujours eu cette qualité d'écoute. Et d'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode que j'ai fait avec Emmerich, c'est l'épisode 10 des Remarquables. Je te le conseille vivement. Et suite à ça, on a fait une lecture avec 2 autres comédiennes qui étaient Victoria Grosbois et Émilie Deville, mais je vais y revenir plus tard. Et puis, j'avais convié 2 personnes. La première, c'était Bénédicte Belby, qui fait la direction d'acteur sur cette pièce, donc aujourd'hui. Et je lui avais dit, voilà, j'avais beaucoup aimé son travail qu'elle avait fait avec Pierre Azéma sur Jekyll and Hyde. C'est aussi une superbe comédienne. Faut jamais l'oublier. Et donc, je savais qu'elle allait pouvoir apporter un regard important sur cette pièce, sachant que moi, j'étais déjà à l'écriture, à la mise en scène, et que j'allais jouer. J'avais vraiment besoin de quelqu'un de confiance. Et puis, il y a le fameux Thomas Baudot qui, pendant des années, a été fou de théâtre. Et alors, fou de théâtre, c'était un blog et un Twitter sur de critique théâtrale. Et puis, un jour, il m'a dit, bah voilà, je vais passer de l'autre côté. J'aime beaucoup ton univers. Si jamais tu as quelque chose à me proposer, bah, propose-moi, donc. Et là, je propose à Thomas, donc, de faire qu'on fasse cette lecture devant lui, et c'est vrai que c'est très très très loin de mes comédies d'où sa mère habituelles. Ça a marché, il nous a dit, bah écoutez, je vous soutiens, et on est parti nous dans une résidence qu'on avait eue en amont à Louvigné du Désert. Et pour partir dans cette résidence, il nous fallait un casting, donc on a auditionné 20aine de comédiennes, et finalement les 2 comédiennes qui ont été retenues par Bénédicte, parce que c'est Bénédicte qui faisait le choix des comédiennes, ont été donc Victoria et Émilie. Et c'est vraiment, je tenais à ce que ça soit Bénédicte qui fasse le choix des comédiennes, parce que sachant que j'étais en couple aussi à l'époque avec Émilie, je voulais pas qu'on pense qu'elle ait le rôle parce qu'elle était avec le metteur en scène. Voilà, tout simplement, elle a eu le rôle parce qu'elle a été la meilleure. On est parti pendant une semaine à Louvigné du Désert, donc du côté de Rennes. Là, on est à un grand théâtre, on a pu poser les premières esquisses de cette pièce. Et on a pu faire une représentation de sortie de résidence qui s'est très bien passée avec des retours extrêmement intéressants. Ensuite, on a pu en décembre 2016 donc faire une lecture à la Huchette. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais malade comme un chien, je parlais comme ça, donc c'était assez compliqué, mais on y est arrivé. On a eu donc des très bons retours des professionnels qui étaient là. Puis, on a eu aussi une grosse lecture devant un grand producteur, voilà, quelqu'un qui peut faire bouger les choses et qui est passé à côté. Nous, on était peut-être passé aussi à côté, parce que je pense que c'est une pièce aussi qui est visuelle à écouter. Elle est lourde parce qu'elle se passe dans 15 endroits différents, donc c'est pas facile à suivre. C'est pas voilà, un huis clos avec 4 personnages qui se disent tout. C'est une pièce, à mon avis, véritablement à voir. Et en sortant, alors qu'on était un petit peu déprimés, Thomas nous a dit « Bon, écoutez les gars, on y va, moi je produis la pièce ». C'est comme ça qu'on s'est lancé dans le showcase en 2017, du 24 avril. Alors tu vois, hein, c'est long à monter une pièce. Et pour ça, on a eu donc deux autres personnes qui nous ont aidés à monter cette pièce. La première, Emmanuel Charles, qui est un scénographe extraordinaire. Alors Emmanuel Charles, tu n'as qu'à regarder son CV, tu comprends que le gars a bossé avec les plus grands, et Michel Faux, il est nommé aux Molières, c'est un mec qui fait des opéras, enfin qui fait un travail fantastique. Et moi, pour la première fois, je travaillais véritablement avec quelqu'un dont c'était vraiment le métier, hein, la scénographie. Et on a énormément parlé ensemble. C'est un type formidablement humain qui a aimé notre projet et qui nous a, qui a voulu nous suivre aussi. Et pour nous, c'était un gage de qualité d'avoir Emmanuel dans la distribution. Et il a fait un boulot fantastique à la fin de cadre brisé. C'était vraiment ce dont je rêvais sans réussir à véritablement le verbaliser en tout cas. Et puis Julia Allègre au costume, qui pour la petite anecdote m'a dit: écoute Lilian, de toute l'histoire de l'humanité, tu as choisi la seule date en 1984, date à laquelle donc se passe la pièce, époque à laquelle se passe la pièce. Tu as choisi la pire date pour la mode dans l'histoire de l'humanité, c'est 1984. Mais malgré ça, elle a réussi à faire quand même un super boulot sur nos costumes et on est ravis. Donc on a pu jouer cette pièce devant, voilà, tout un parterre de Parisiens, de théâtreux, etc. On a eu des retours fantastiques. Encore une fois, les deux, trois producteurs qui peuvent faire vraiment bouger les choses sur la place de Paris ne sont pas venus au dernier moment. C'est comme ça, ce sont des rendez-vous ratés. Suite à quoi, on pensait que notre élan allait nous emmener assez loin. Je suis très sincère, hein, je suis très franc, hein, quand je te parle, tu le sais. Moi, je n'ai pas trop de phare pour le coup. On pensait qu'on allait partir sur une cinquantaine de dates de tournée avec un diffuseur. Et malheureusement, bah, ça n'a pas marché. Voilà. Parfois, tu commences à faire quelque chose avec quelqu'un, tu mises dessus et les dates ne sont pas venues. Donc on s'est contenté de ces quatre dates qu'on vient de jouer là, durant ces dernières semaines. Et on s'est remis au travail il y a quelques mois sur la pièce. On a pas mal retravaillé dessus. D'ailleurs, tu peux entendre là l'église de Ledru-Rollin qui sonne les 7 h, les 19 h. Et donc on a fait voilà cette pièce là pour ces quatre dates qui ont merveilleusement bien marché. C'est une pièce qui est pour moi absolument essentielle. Je suis très heureux de la jouer avec les quatre autres comédiens et je voulais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont vraiment permis de pouvoir monter ce spectacle qui est lourd, qui est ambitieux à plein de niveaux. Et je pense aussi à Fabienne qui nous a permis d'aller à Sarcelles et de la suite. Je pense à toutes les personnes qui nous ont aidés depuis le début de ce spectacle et celles et ceux aussi qui ont lu ma pièce au début que je l'avais écrite, qui ont pu me faire aussi quelques petits retours qui parfois m'ont permis de bouger quelques trucs. Une pièce, tu vois, c'est long. Une pièce difficile qui n'est pas sur un sujet ultra comique. C'est très long à monter, même si c'est d'actualité. Maintenant, on va partir l'année prochaine encore en tournée, pas mal de provinces. On a de grandes ambitions. Il va falloir aussi, et je suis persuadé qu'un de ces grands producteurs, qu'un de ces grands théâtres, va vouloir prendre le risque, parce que c'est ça aussi. Faut prendre des risques, à mon avis, sinon ça vaut pas le coup. Enfin, moi, j'ai jamais envisagé le théâtre autrement que de le faire de manière engagée avec des textes forts. Et c'est pas la star de la pièce, c'est pas la distribution, loin s'en faut. C'est vraiment le sujet. Et je suis sûr qu'un de ces grands producteurs va petit à petit s'intéresser à la pièce et lui donner vraiment une chance pour une programmation parisienne, sachant qu'on va continuer, nous, notre programmation en province, qui est une tournée qui va se révéler être très porteuse. Il va y avoir plein de bonnes choses. Je te dirai de toute façon ce qui va en être pour le clan par la suite. En tout cas, j'avais envie de faire cette petite résonance, tout simplement, pour dire toute la joie qu'il y a en moi de jouer cette pièce, qu'il y a pour moi de travailler avec toutes ces personnes formidables que sont au quotidien Thomas, qui est celui qui nous a permis vraiment d'être là. Alex, avec toute sa confiance, qui m'a donné pour pouvoir aller au bout de ce spectacle. Victoria, voilà, qui a joué dans tellement de mes pièces et que j'aime tellement. Émilie, que je croyais être simplement une actrice de cinéma, qui se révèle être une super comédienne. Bénédicte, qui est absolument essentielle à ce spectacle. Et puis Lucien aussi, qui fait les lumières aujourd'hui. Voilà, Emmanuel, Julia, vous avez tous, toutes contribué à faire en sorte que ce spectacle puisse être debout et puisse avancer aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur. Et quant à toi, la compagnie, reste connectée puisque des dates en province seront annoncées ultérieurement, pas peut-être pendant l'été, mais peut-être à la rentrée aussi. De toute façon, je m'en ferai l'écho, tu t'en doutes bien. On se retrouve pour un nouveau Remarquable ou une nouvelle résonance très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.